Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, quatrième épisode de notre série Quitter le pouvoir, François Mitterrand. Cet homme, ce président majeur, car il est resté 14 ans à l'Élysée, dont 10 avec les pleins pouvoirs, a mené sa vie personnelle et politique de la même façon qu'il a construit sa légende, avec détermination, ambition et surtout liberté. Il est resté le même, fidèle à lui-même, jusqu'à la fin, surtout à la fin de sa vie politique et de sa vie tout court, car tout est lié avec lui. D'abord, avec l'appui d'une presse complice qui n'osait pas se mêler de la vie intime d'un chef de l'État, une coquetterie qui en a arrangé plus d'un, François Mitterrand a tu bien des choses. Avant de tout révéler, comme on écrit un testament, il ne voulait pas emporter ses secrets dans la tombe, il n'a pas privé les Français de la vérité qu'ils étaient en droit de réclamer. De ce point de vue, il les a profondément respectés. « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas, tout est dit. » Et puis, François Mitterrand n'a pas été évincé du pouvoir. Mais la mort était là, qui rôdait, attendant son heure. Elle viendra dans la chambre lugubre d'un appartement parisien, 8 mois après son départ de l'Élysée, mettant fin à une vie faite d'ombre et de lumière, romanesque à souhait, à la manière des personnages de cette littérature du 19e siècle qu'il affectionnait tant. Notre invitée aujourd'hui, Solène de Royer, grand reporter au Monde. Elle a co-dirigé l'ouvrage « Le deuil du pouvoir » avec Alexis Brézé. Et elle vient de publier le livre « Le dernier secret » chez Grasset, qui retrace la dernière histoire d'amour de François Mitterrand. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 17 mai 1995. Au palais de l'Élysée, c'est l'effervescence. Une vraie ruche. 12 terminent les préparations de la passation de pouvoir qui doit s'effectuer ce jour entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Alors que tout le monde s'affaire pour régler les derniers détails protocolaires, au milieu de l'agitation, il y a un homme qui, lui, prend son temps, qui laisse du temps au temps. François Mitterrand. Un homme qui n'a jamais été du genre à subir d'autres impératifs que les siens. » Il ne va certainement pas commencer le jour de son départ de l'Élysée. Alors, il organise sa journée presque comme si de rien n'était. Il se balade une dernière fois dans le parc du Palais, lui qu'on surnomme le promeneur. Dans sa pratique, son besoin de marcher est un élément caractéristique de sa personnalité. Il visite une dernière fois le couple de canards Colvert qu'il avait fait venir à son arrivée à l'Élysée et qu'il adore. Et on le voit accompagné de son médecin qui, désormais, ne le lâche plus. À quoi pense-t-il François Mitterrand ce 17 mai 1995 ? Est-ce qu'il repense à ce qu'il a achevé ? À son parcours, ses grandes réformes ? Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sent qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre ? Sûrement. Le redoute-t-il ? Peut-être. Peut-être est-il aussi curieux, finalement, de savoir ce qu'il attend. François Mitterrand a toujours été un homme intrigué par ce qu'il ne connaissait pas. C'est peut-être pour cela qu'il a souhaité déjeuner avec Jean d'Ormesson pour son dernier jour à l'Élysée. L'écrivain revient sur cette invitation pour le moins surprenante dans l'émission Café Picouli. Le téléphone sonne chez moi et j'entends ici François Mitterrand. Je dis « Monsieur le Président de la République » et il me dit « Je voudrais vous voir après-midi ». Je lui dis « Moi, je veux bien, mais vous ne pouvez pas, vous remettez vos pouvoirs à Chirac ». C'était en 95. Et il me dit « Je remets les pouvoirs à Chirac à 11h. Si vous veniez à 9h, nous aurions 2 heures devant nous ». Et alors j'arrive à l'Élysée, quelques personnes me reconnaissent et me disent « Ah, vous venez pour Chirac ?» Et je réponds « Non, je viens pour Mitterrand ». Et j'ai parlé pendant 2 heures à Mitterrand et je n'ai pas raconté tout ce qu'il m'a dit. Fidèle à lui-même, François Mitterrand a pris son temps et a fait ce qu'il a voulu, même durant cette dernière journée. Homme de rituels et de secrets, il a traversé le dernier acte de sa vie comme il l'entendait, espérant « griffer le temps », selon ses propres mots, et pour une dernière fois. Dire que François Mitterrand était une personnalité hors norme est un euphémisme. Grâce à son charisme, son caractère, habile, ingénieux, mais aussi secret et complexe, il a progressivement construit un personnage. Et si c'est au cours de ses derniers mois au pouvoir qu'il a parachevé son mythe, il faut revenir à ses débuts, pour bien saisir l'ampleur des enjeux politiques, mais aussi existentiels, qui ont irrigué la fin de son mandat présidentiel. François Mitterrand n'est pas né dans la capitale ni dans une grande ville. Non, c'est un provincial. Il vient de Jarnac, une petite bourgade de Charente, un ancrage territoire rural qui va façonner sa personnalité. Il revient sur cette enfance si importante pour lui en 1975 dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Qui n'est pas marqué par son enfance, surtout si elle a été heureuse au contact de parents, de frères et de sœurs, de cousins avec lesquels on a passé un pacte de vie qui dure encore. La vie telle que je l'ai vécue, et qui ressemblait beaucoup plus à celle qu'on pouvait connaître au XVIIIe siècle. La campagne avec une maison au sommet d'un coteau, des fermes tout à côté, et puis le premier village très loin, très loin. La première ville, on n'y allait pas. J'ai vécu cela pleinement. J'étais à 16 ou 17 ans quand je suis arrivé à Paris. Je me sentais provincial, content de l'être et un peu déchiré de perdre mes racines. Alors, François Mitterrand n'a jamais perdu ses racines. Tout au long de sa carrière, le Charentais de Jarnac n'aura de cesse de revenir sur les traces de son enfance ou de les évoquer quand il en aura besoin. Issu de la petite bourgeoisie locale, il vient d'une famille conservatrice et catholique pratiquante. Cinquième d'une fratrie de 8 enfants, il est très proche de ses grands-parents. Brillant, notamment en histoire, en philosophie et en littérature, il passe son bac et monte à Paris, tel Rastignac, où il s'inscrit en droit et à Sciences Po. Il n'a jamais eu pour ambition de devenir avocat, non, c'est la politique qui l'appelle, et depuis longtemps. L'une de ses enseignantes de l'école primaire avait dit de lui un jour « On le verra président ou évêque ». Est-il entré en politique comme on entre en religion ? Peut-être. En tout cas, le jeune François profite de ses années d'études pour s'affirmer politiquement. Pas à gauche, non, plutôt dans des courants très anticommunistes. Il est encore, à ce moment-là, le fruit de son milieu d'origine. Et puis la guerre arrive. Mitterrand ne s'engage pas immédiatement dans la résistance. Il choisit d'abord de croire en Vichy. Mais à partir de 1943, après plusieurs mois d'action au grand jour, il entre en clandestinité. Il se rend à Londres et rencontre le général de Gaulle. Les deux hommes ne s'apprécient guère. François Mitterrand est en train d'amorcer un vrai virage vers la politique, et c'est à gauche qu'il vire. Ensuite, tout s'enchaîne. Ministre dès 1947, conseiller général de la Nièvre 2 ans plus tard, il s'inscrit durablement dans la vie politique locale et nationale. En 59, il est élu maire de Château-Chinon et le restera jusqu'en 1981, un ancrage territorial, rural, décidément nécessaire dans l'équilibre du personnage. Après les tourments de la guerre d'Algérie et l'adoption de la constitution de la Ve République à laquelle il s'est opposé, il voit dans un grand rassemblement de la gauche une solution, peut-être même la solution, pour contrer la droite du général et s'imposer. Il construit le Parti Socialiste sur les cendres de la SFIO et en devient le premier secrétaire. Après 2 tentatives infructueuses, il est élu le 10 mai 1981. Premier président de gauche depuis l'institution de la Cinquième, son arrivée au pouvoir déclenche la liesse dans les rues de toute la France, comme en témoignent les enregistrements diffusés lors du 20h d'Antenne 2, juste après l'élection. Du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'Hexagone, l'annonce de la victoire du candidat socialiste a été accueillie par des défilés spontanés de gens à pied ou en voiture, avec des concerts d'avertisseurs ou de chants qui prenaient souvent l'allure de fin de rencontres sportives. Et à Épinal, la municipalité a offert à ses administrés un feu d'artifice. C'est ainsi que le 10 mai a souvent pris des allures de 14 juillet anticipées. Depuis son élection, François Mitterrand semble mesurer le poids de l'histoire, sa grandeur, sa rigueur. Et il pense à ces millions de femmes et d'hommes qui, 2 siècles durant, ont façonné celle de la France sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de la société. Dans son discours d'investiture, il évoque les forces de la jeunesse, du travail, de la création, du renouveau qui se sont rassemblées pour permettre son élection. Il achève son discours par ces mots. au-delà de nos luttes politiques, des contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Les forces de l'histoire, voilà ce que convoque François Mitterrand à son arrivée au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il fera au moment de le quitter. Les premières années de François Mitterrand aux affaires sont porteuses de grandes innovations sociales. Avec un parlement acquis à la gauche, plusieurs lois importantes pour le Parti Socialiste sont adoptées. Création d'un impôt sur la fortune, relèvement du SMIC, des allocations sociales, allocations vieillesse. Il fait voter une cinquième semaine de congés payés, les 39 heures, enclenche des processus de nationalisation et de décentralisation. Et puis surtout, il fait voter l'abolition de la peine de mort. Conformément à ce qu'il avait annoncé, de façon très solennelle, très mitterrandienne, quelques semaines avant son élection, un moment marquant de l'histoire de la Ve République, c'était dans l'émission Carte sur table. Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Spiritualité, croyance, déjà. La mort également. Est bien plus proche du président nouvellement élu que ce qu'on imagine. Car ce que les Français ignorent, ce qu'on leur cache, c'est que François Mitterrand est malade, gravement malade. En juillet 81, 2 mois à peine après son accession à l'Élysée, il est pris de violentes douleurs au dos et à la jambe. Il subit une batterie d'examens. Le diagnostic tombe, cancer de la prostate diffusé dans les os. On ne lui donne pas plus de 3 ans. Il dira « Je suis foutu ». Hanté par le souvenir de Pompidou, mort en plein mandat d'une maladie qui l'avait tué. Et pourtant, il décide, comme Pompidou, de ne rien dire. Sa maladie, il la tue. Il garde son secret, car il en sera le maître. Il ne le révèle pas, il en sera l'esclave. Une dizaine de personnes seulement sont au courant et promettent de garder le secret. Ces médecins, eux, font falsifier de faux bulletins de santé pendant des années. C'est le premier mensonge d'État de François Mitterrand. Et la première démonstration de la force de sa volonté. Car il refuse de céder, de plier, pas même devant la maladie. Le sphinx, surnom donné plus tard au président pour moquer sa capacité à manœuvrer, à dissimuler, est né. La carrière présidentielle de Mitterrand est donc immédiatement et intimement liée à la mort, depuis le début jusqu'à la fin. Dans un documentaire intitulé « À bout portant » consacré au président, Robert Badinter raconte l'obsession de ce dernier pour le macabre. La mort le hantait. C'est la vérité. Pourquoi? Je ne sais pas. Le culte des cimetières, des lieux funéraires, des tombeaux, la statuaire était chez lui poussé à l'extrême. Je ne compte plus le nombre de cimetières que nous avons visités. Je n'ose pas dire mon corps est pendant, mais vraiment, il avait une obsession des pierres tombales. François Mitterrand est donc un être mystique, agnostique, oui, mais spirituel, sensible aux énergies de la terre et des lieux, fasciné par le mystère du passage de l'être au néant. Cette interrogation ne le quittera jamais, ni dans sa vie privée, ni même dans sa vie politique. Et ce n'est pas un hasard s'il est le premier président français à s'être intéressé à la question du traitement de la fin de vie des personnes âgées ou malades. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais c'est lui qui crée en 1987 la première unité de soins palliatifs en France, en l'occurrence à l'hôpital international de Paris. En revanche, si la mort l'a toujours accompagné, son état de santé défie les statistiques. Alors que nombre de médecins pensaient qu'il ne survivrait pas plus de quelques années, François Mitterrand est bien en vie en 88. Et il décide, contre l'avis de ses proches, de se présenter pour un second mandat. D'autres, au contraire, en rêvent. Tonton, laisse pas béton. « De fait, sa réélection est triomphale. La droite est KO debout. Mais pas question cette fois d'état de grâce. La rigueur économique est de mise depuis quelque temps déjà. Le chômage ne baisse pas. La gronde populaire commence à se faire entendre. Le référendum sur l'Union européenne, projet qu'il a porté à bout de bras, passe de justesse. Le PS perd encore une fois les législatives et une nouvelle cohabitation s'organise. Mais surtout, le secret de la maladie du président est éventé. Il subit une opération de la prostate en septembre 92, et cette fois, les Français seront au courant. La nouvelle fait la une des infos sur France Inter. Le journal Patrice Berthe. Au sommaire ce soir, le cancer du président. Ce matin, 10h24, une dépêche de l'agence France-Presse annonce que le président souffre d'un cancer de la prostate. Cet après-midi, 17h15, François Mitterrand sort de l'hôpital Cochin et répond aux questions des journalistes. Il y a bousculade, son visage est creusé, mais ses propos sont vifs et pleins d'humour, notamment lorsqu'il explique qu'il n'a aucune raison de démissionner et qu'il n'y a pas songé. Il n'y a pas de raison, je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passait. Vous comptez reprendre votre activité quand, monsieur le président ? Oh ben, je vais aller glisser maintenant. Je tiens simplement à vous dire que dans la hiérarchie des choses agréables, ça ne vient pas en premier rang. Je pense que c'est un combat honorable à mener contre soi-même. L'ombre de la mort, décidément. Une fois de plus, elle vient obscurcir l'horizon quand le dernier Premier ministre socialiste de François Mitterrand, Pierre Bergoglio, se suicide le 1er mai 1993 sur les bords de la Nièvre à Nevers. Pas d'interdira, c'était la mort qui frappait dans nos rangs. François Mitterrand était atteint, très atteint. L'hommage du président lors des obsèques, son indignation, resteront dans les annales. Cette phrase notamment... Ceux qui ont livré au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie. Sa colère est palpable. D'autant que pour une fois, elle n'est pas froide, glaciale ou glaçante. Non, le ton est passionné, emporté. Ce drame change quelque chose chez lui, quelque chose de profond. Pendant un an, il a gardé la feuille de papier sur laquelle était écrite son discours, bien en évidence sur son bureau. Incapable de la jeter, il finit par la voir sa secrétaire. Il lui demande « Si je vous donnais ce papier, est-ce que vous le prendriez ?»« Oui, » répond-elle. Et de fait, elle prend le papier. Ils n'en ont plus jamais reparlé. Peut-être, à ce moment-là, se sent-il coupable. D'autant qu'après Pierre Bergoglio, c'est François de Grossouvre, son conseiller spécial qu'il ne conseillait plus du tout, tacardisé, qui se donne la mort dans son bureau de l'Elysée. Un casin quasi chagrin d'amour. Et surtout, un coup de feu dans le palais. Situation aussi surréaliste que crépusculaire. Et puis d'autres scandales apparaissent. Bien sûr, la révélation par Paris Match de l'existence de Mazarine Pinjot et de la double vie du président. Mais c'est scandale. Le pays en a-t-il souffert? Puis c'est la sortie du livre de Pierre Péan qui révèle l'amitié de longue date de François Mitterrand avec René Bousquet, l'un des responsables de la déportation des Juifs de France pendant la guerre. Là, c'est un scandale. Un malaise profond. Autant d'affaires qui plombent le président, qui, comme à son habitude, ni ne s'explique, ni ne s'excuse. Le ni-ni, déjà. Et puis la maladie continue de faire son œuvre, funeste, elle l'abîme, elle le fatigue. Alors, au fil des semaines, il prend du recul, se détache des contingences politiques. Comme en témoigne son interview donnée le 14 juillet 1994. Ce sera le dernier entretien que j'aurai avec vous ou d'autres de vos confrères un 14 juillet. Je n'en suis pas fâché. Et en même temps, ce que j'aurais fait m'aura passionné. Donc vous voyez un homme qui est partagé dans ses sentiments. Puis il est bon de changer les personnes. Songez que les enfants de 15 à 20 ans, et depuis qu'ils ont conscience de la vie politique de leur pays, ils n'ont jamais vu que moi. Je serai à leur place, je serai un peu lassé. Sous ma porte, je comptais vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre. et la tête. Et j'en ai écarté les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé. Fabrice Drouel. La posture de François Mitterrand évolue durant sa dernière année de mandat. Pas de décision politique majeure, ni privatisation, ni nationalisation. C'est plutôt sa tournée d'adieu qui marquera les esprits. Désormais, et systématiquement, il rappelle son âge et coupe l'herbe sous le pied des critiques en disant lui-même que 14 ans de présidence, c'est assez. Ce n'est plus l'heure pour les débats et autres polémiques politiques. François Mitterrand sait qu'il n'a plus rien à craindre. Alors il se retourne vers le dernier adversaire qui lui reste, le seul qui ne vaincra pas, donc il ne parvient pas à saisir l'énigme. Les Français en prennent conscience quelques mois plus tard, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de fin d'année. En ce 31 décembre 1994, en fin d'après-midi, François Mitterrand s'installe dans la loge de maquillage du studio d'enregistrement du Palais. Il doit prononcer les habituels vœux aux Français. Il sait qu'il s'agit de ses derniers. Alors il observe son reflet dans le miroir. Il s'avance un peu pour mieux constater les ravages de l'âge et du cancer, surtout. Il dira à une amie « Tu vois, quand je regarde ce visage et que je pense à celui que j'avais à 20 ans, je me dis que c'est injuste. Il est vrai que son teint est presque vert, malgré le maquillage. Seul son nez, fin et aquilin, rappelle le jeune sphinx d'autrefois. D'habitude, on descend quelques affaires personnelles de son bureau pour les installer ici et là, sur le faux bureau du studio d'enregistrement. Un coupe-papier, un bouquet de lavande séché ou un marron du parc de l'Élysée. Mais pas cette année, non. Le président ne voyait pas l'intérêt. Pas le temps de faire semblant. Le bureau restera donc nu, impersonnel. Et c'est ainsi qu'à 79 ans, il s'apprête à formuler l'un de ses premiers au revoir officiels. Un discours dont la tonalité est inédite. Un message aux Français tout de philosophie et mysticisme rempli, simplement inoubliable. Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. Je n'apprendrai rien à personne en rappelant que dans 4 mois aura lieu l'élection présidentielle. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République. Vive la France. Évidemment, durant ses vœux, il revient aussi sur les événements qui ont marqué ses derniers mois présidentiels. Il entame son discours sur l'un des plus tragiques. Le détournement, quelques jours seulement auparavant, du vol Alger-Paris par un commando islamiste. Puis il insiste sur l'importance de la solidarité entre les citoyens. Et il termine sur l'Europe. L'un des grands thèmes qui ont traversé, transcendé même ses deux mandats, surtout le second. Il a porté le traité de Maastricht en 92, malgré la grogne populaire. Ancien résistant, il a poursuivi activement la reconstruction des relations avec l'Allemagne. C'est donc en toute logique qu'il décide de poursuivre sa tournée d'adieu à Strasbourg pour un dernier discours devant le Parlement européen. Nous sommes alors le 17 janvier 1995. Ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. C'est l'un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument transmettre. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci. Mitterrand est la force du verbe. Son discours est repris partout dans la presse européenne. Mais en France, on s'inquiète. L'état de santé du président continue de se dégrader. Mais il se veut rassurant, déclarant lors d'une conférence de presse « J'accomplirai mes fonctions autant que mes forces le permettront ». Mais dans son entourage, on murmure « Pourvu qu'il tienne jusqu'en mai, il tiendra ». Si François Mitterrand prépare son héritage avec la rigueur qu'on lui connaît, il ne s'implique pas vraiment dans le choix de son successeur. Il aurait évidemment préféré Jack Lang à Lionel Jospin pour prendre la relève, mais d'une certaine façon, ça n'est plus son problème. Alors, il s'éloigne progressivement des considérations politiciennes, lui qui fut pourtant maître en la matière. Par philosophie, peut-être. Par orgueil aussi, probablement. Il a créé le PS, l'a dirigé, a régné sur la France pendant 14 ans et participé ardemment à la construction européenne. Il a fait ce qu'il avait à faire. Alors les autres, le reste. Chirac ou Jospin ? Jospin ou Chirac, il est presque 20h, quelques petites secondes de suspense. Voici le nom du successeur de François Mitterrand. Le 7 mai, Lionel Jospin est battu, Jacques Chirac remporte la présidentielle. Au lendemain du scrutin, François Mitterrand invite son successeur à la célébration du cinquantenaire de l'armistice. La présence du futur président marque les esprits. Si l'entente affichée ce jour-là entre les deux hommes semble quelque peu surjouée, il n'empêche qu'elle symbolise une transition pacifique du pouvoir. Transition entre deux hommes, deux camps politiques, deux époques. Sincère ou pas, François Mitterrand ne se doute sûrement pas qu'il vient d'initier une tradition qui perdure aujourd'hui. Son dernier discours intervient 10 jours plus tard, le jour de la cérémonie de passation des pouvoirs avec Jacques Chirac. Pour ses derniers mots d'homme politique, l'architecte du PS a choisi le siège de son parti. Ses adieux prennent alors des allures de deuil. Parce qu'il le sait très bien, il sait ce qu'il attend. Il ne s'en cache pas et en tire les conclusions, Ruzzolferino. Je ne veux pas avoir l'air d'organiser une contre-manifestation. Moi, j'achève ma vie politique. Je ne suis pas venu ici pour la recommencer. Nous sommes redevenus, vous êtes redevenus, une force politique et sociale capable d'entraîner la France chaque fois qu'elle en sentira la nécessité. Vous allez continuer après moi. Vous avez commencé avec moi. Je suis heureux de voir déjà beaucoup de visages plus jeunes. J'espère que ici ou là, j'aurai le bonheur de vous rencontrer. Merci. Soigneusement, François Mitterrand avait préparé sa sortie. Il ne veut pas siéger au Conseil constitutionnel. Non, il préfère se consacrer à sa famille, ses lectures, l'écriture. Malgré la maladie qui progresse, il continue à recevoir dans sa maison landaise de Latché, sa tanière, son refuge. Les amis défilent, souvent des personnalités politiques ou de la culture. L'ancien président parle politique, un peu, spiritualité, beaucoup. Et encore et toujours, il continue de chercher le sens de tout cela, les réponses de l'au-delà. Physiquement, il faiblit de jour en jour, mais il ne se rend pas. Il insiste même pour passer Noël avec sa famille en Égypte, à Aswan, un lieu très fort, empreint d'une énergie particulière, dira Mazarine. Il revient passer le réveillon à Latché, puis rentre à Paris pour des examens médicaux. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Son cancer s'est métastasé jusqu'à son cerveau, son esprit, le siège de ce qu'il est, de ce sur quoi il a toujours pu compter et ce par quoi il se définit. Insupportable. Alors il choisit. Après avoir joué à cache-cache avec la mort pendant des années, c'est lui qui finit par décider que son heure est venue. Il s'arrête de s'alimenter et meurt quelques jours plus tard dans son appartement parisien de l'avenue Frédéric Leplay. Ce qui déclenche, en ce 8 janvier 1996, un étonnant discours de Jacques Chirac, un hommage appuyé, plein d'humanité et d'admiration à l'adresse de celui qu'il avait pourtant combattu et dont il s'est aperçu qu'il y avait là un véritable honneur à tenter de le contrer, lui le maître en la matière sur le terrain politique. Mes chers compatriotes, le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme. Seul compte finalement ce que l'on est dans sa vérité et ce que l'on peut faire pour la France. À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message. En avril 1995, un mois avant son départ de l'Élysée, François Mitterrand avait accepté l'interview avec Bernard Pivot. Le journaliste lui avait alors demandé « Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?» Après une brève réflexion, François Mitterrand avait répondu « Il me dirait « Enfin, tu sais !» Et j'espère qu'il ajouterait « Sois le bienvenu !» Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, des accords à Matignon. RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un premier mai sans raison. Nos amours se tirent une balle et la cohabitation. au départ, odeur de gaz et de poudre. Les matraques à Saint-Bernard, j'ai décidé de dissoudre. Au départ, c'est tout pluriel. 35 heures et ça repart, c'est les mariages arc-en-ciel. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défient, fin de cohabitation. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défient, fin de cohabitation. Au départ, un homme, une rose à la main. Au départ, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Au départ, la lettre à tous les Français. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, la série Quitter le pouvoir. Aujourd'hui, Mitterrand, dont nous allons parler avec notre invitée Solène Doroyer. Bonjour. Bonjour. Grand reporter au Monde, vous avez co-dirigé l'ouvrage Le Deuil du Pouvoir avec Alexis Brézé. Vous venez de publier le livre, il y a quelques mois, Le Dernier Secret chez Grasset, qui retrace la dernière histoire d'amour de François Mitterrand. Alors, la particularité des adieux de François Mitterrand, évidemment, c'est cette phrase « Je croise aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas ». Mais au-delà, en quoi, selon vous, son départ du pouvoir se distingue-t-il des départs des autres présidents ? Bon, ce qui est intéressant avec Mitterrand, c'est qu'il était totalement obsédé par sa sortie. Il était obsédé aussi par la trace qu'il allait laisser dans l'histoire, par sa propre postérité. Il disait « On ne sait ce que vaut un homme qu'à la fin ». Et donc, il voulait réussir cette sortie. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que il se passionnait pour la sortie des autres, de ses prédécesseurs. Donc, il était malade, vous l'avez rappelé. Il savait qu'il allait mourir et pour autant, il ne voulait surtout pas connaître la fin de Georges Pompidou, mort à l'Élysée. Il ne voulait encore moins avoir la même sortie que Valéry Giscard d'Estaing, dont il trouvait qu'il trouvait absolument ridicule cet au revoir un peu pompeux, cette sortie un peu théâtrale sous et puis ensuite on se souvient qu'il est sorti de l'Élysée sous les huées. En revanche, il était fasciné par les adieux du général de Gaulle. Il trouvait ces adieux très dignes hein, après le référendum de 69. Ce voyage en Irlande avec Yvonne et son aide de camp, et il disait quel magnifique départ, cet orgueil blessé, ce manteau qui flotte dans la lande irlandaise. Voilà, donc il avait toute cette galerie de la Ve République et il voulait faire mieux. Il voulait faire mieux et réussir sa sortie. Et lui, son obsession, c'était de tenir et de sortir par le haut, rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son mandat, donc ne pas être tirer la ligne, quoi. Exactement. Et alors c'est drôle parce que il confiait, il a beaucoup parlé de lui, de cette sortie, de sa propre fin, de sa maladie, de la mort à venir. Ça irriguait toutes les conversations qu'il avait à la fin de son pouvoir. Et il comptait, par exemple, il disait, vous vous rendez compte, 1300 conseils des ministres. 14 ans. Il voulait, d'une certaine manière, obtenir le record de longévité. Donc ensuite, il a mis en scène cette fameuse, vous l'avez rappelé très bien, cette tournée des adieux. Donc, à la fois les adieux à la politique. Donc, il s'est rendu dans son fief électoral, dans la Nièvre. Donc, pour faire les adieux à la politique. Et aussi, ses adieux à la vie terrestre, d'une certaine manière. Là, on pense à la fameuse théorie des deux corps du roi. Et donc, il a été à Jarnac sur les traces de son enfance, de sa famille, de sa mère tant aimée, et pour dire adieu aussi à cette partie de sa vie. Et à chaque fois, c'était l'occasion d'un retour sur lui-même, d'une certaine manière, et de se raconter, de se montrer, d'évoquer des souvenirs, parce que, comme vous le savez, la première obsession de François Mitterrand, c'était aussi lui-même. Et pour terminer, pardon, je suis un peu longue, mais ce qui est... Vous n'êtes pas long, mais c'est le temps qui court. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans étudier cette fin dans le livre, en effet, Le Deuil du Pouvoir, publié il y a quelques années, c'est qu'il feignait un détachement. Alors qu'en réalité, il ne voulait pas lâcher une once de pouvoir. Je crois que de mémoire, Chirac avait dit, il ne nous laissera pas un quart d'heure. donc voilà. Il y a aussi le côté résumé par un aphorisme qui n'est pas de lui, d'ailleurs, qui dit garde ton secret, tu en seras le maître. Divulgue-le, tu en seras l'esclave. Alors il a réussi à mentir sur un certain nombre de choses ou à ne pas dire la vérité pendant plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme de son temps? Alors, on dirait tout, on est tous de notre temps, je ne sais pas notre date de naissance, mais dans la mesure où il n'a pas vécu l'ère du numérique qui a tellement changé la donne, c'est-à-dire qu'on est passé de l'alcôve et ses secrets pour Mitterrand à une virée en scooter pour Hollande, au vu de tous. Donc c'est vraiment un homme de son temps, c'est vraiment un homme de l'avant-numérique. Et on peut se poser la question, sauf à tomber dans l'uchronie, mais que aujourd'hui, il ne pourrait pas faire ça. Non, bien sûr, et vous l'avez rappelé aussi, il a menti en effet sur sa maladie pendant 14 ans, enfin un peu moins parce que il l'a révélé en 92 à l'occasion de la première opération, mais il apprend qu'il est malade en 81, il dit à son médecin, le docteur Gubler, je suis foutu. Ne dites rien à personne, ne dites surtout rien à Daniel, donc même son épouse, même sa femme, Daniel, ignorait son état réel, en tout cas au début. Voilà, il a préservé ce secret d'État, on pourrait dire ce mensonge d'État, et Gubler trafiquait les bulletins de santé qui étaient régulièrement publiés par l'Élysée. Alors il a été aidé par l'époque, vous le dites très très bien, hein, donc c'est par le secret qui pouvait être préservé bien davantage qu'aujourd'hui. Il a été aidé aussi par une longue rémission entre 84 et 90, et puis aussi, je dirais, par le pouvoir drogue, quoi, qui l'a maintenu en vie. Parce que effectivement, il était malade, mais ses facultés intellectuelles n'ont jamais été atteintes, hein, jusqu'à la fin de son mandat. À partir de là, la France n'était pas en danger. Donc il y a débat sur un principe qui est de dire il faut la transparence, et sur la réalité qui est de dire oui, il est malade. Enfin, il y a pas de conséquences. Oui, mais enfin, il faut rappeler que sa fin a été quand même à l'Élysée. Crépusculaire, totalement crépusculaire. Il lui est arrivé de recevoir le président roumain couché dans sa chambre. 94, l'ancien secrétaire général du gouvernement, Renaud Donat-Saint-Marc, m'a raconté qu'il avait vu le président de la République, François Mitterrand, vomir dans son assiette, pardonnez-moi de rappeler ce détail, lors d'un dîner d'État. Son humeur était devenue exécrable, il était irritable. Et puis surtout, bon, il y avait cette cohabitation avec la droite, ce qui faisait qu'il était, voilà, il faisait plus grand chose. Donc il faut pas, non, enfin voilà, c'était quand même une fin crépusculaire, hantée par la maladie. Jusqu'en 92, ça posait pas de problème. Jusqu'en 92, 93, en vérité, effectivement. Non, mais il n'a jamais, enfin, en tout cas, ses proches conseillers ont toujours dit qu'il n'avait jamais perdu ses facultés et voilà. Et son discernement. Voilà. Solène Doriot, on se retrouve dans 3 minutes après avoir goûté Fontaine's DC, Jackie Down the Line. Got away with murder, maybe once or sur France Inter, comme Quitter le pouvoir, François Mitterrand, on en parle avec Solène de Royer. Vous avez donc publié il y a quelques mois Le Dernier Secret, où vous révélez l'existence du dernier amour de François Mitterrand. Qu'est-ce que cela apporte à notre connaissance de l'homme? En quoi cela nous éclaire-t-il? Et plus précisément, en quoi ce dernier amour était-il peut-être consubstantiel de sa propre fin? Oui, c'est une histoire absolument fascinante, assez bouleversante. Une histoire d'amour qui a duré 8 ans entre le président Mitterrand à la fin de sa vie et cette jeune fille que j'ai appelée Claire, qui est un pseudonyme dans le livre, Un Dernier Secret. Ils avaient 50 ans d'écart et François Mitterrand tenait à elle. Il l'appelait, il y avait une vraie fidélité. Il l'appelait 2 fois par jour au téléphone. Et elle était fascinée par lui et a voulu le rencontrer. S'est mise sur sa route, rue de Bièvre d'abord, pour le rencontrer, ou alors dans les déplacements officiels. Et s'était créé entre eux une forme de complicité, de connivence. Et il l'avait invité à un petit déjeuner à l'Élysée. Et c'est comme ça que cette histoire d'amour a commencé. Et vous me dites, c'est très intéressant, en quoi ce dernier amour est consubstantiel de sa fin. Il lui avait dit à cette jeune Claire, tu resteras jusqu'à la fin, justement. Donc il lui avait donné un rôle de témoin essentiel de la fin de sa vie et de la fin de son pouvoir. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas lui qui avait cherché cette histoire, mais dès lors qu'il y avait cédé, il l'a intégré dans le roman de sa vie cette histoire l'inscrivait dans la filiation de grands hommes qu'il admirait, comme Clémenceau par exemple. On se souvient de cette phrase très belle que Clémenceau a dite à son dernier amour, et qu'ils avaient aussi plusieurs décennies d'écart, Marguerite, une éditrice parisienne, et il lui avait dit « je vous apprendrai à vivre et vous m'apprendrez à mourir ». Et c'était ça qui se jouait entre cette jeune Claire et ce vieux monarque déclinant, un peu cynique, revenu de tout, et qui s'est nourri de l'énergie, de la fraîcheur, de la jeunesse de cette Claire. Et d'une certaine manière, il savait aussi que cette jeune fille lui survivrait longtemps, puisqu'elle était bien plus jeune que lui. Elle avait 18 ans quand elle a commencé à se mettre sur son chemin, et 22 ans quand l'histoire a commencé, donc 4 ans plus tard à proprement parler. Et donc, il savait qu'elle survivrait, qu'elle continuerait à perpétuer son souvenir, à penser à lui, et que c'était un moyen, d'une certaine manière, de prolonger sa propre vie. Vous l'avez dit, Mitterrand était fasciné par la mort. Il disait qu'il fallait organiser le souvenir de ses propres morts. Il avait une photo, par exemple, de la tombe de ses parents dans son bureau à l'Élysée. Et il disait finalement, penser à ceux qu'on a aimés, c'est assurer leur survie, le temps de sa propre vie. Et d'une certaine manière, avec Claire, c'est ça qui s'est joué, une forme de désir d'immortalité. Désir d'immortalité. Et par ailleurs, ça c'est une hypothèse très, très personnelle, mais je pense qu'il était joueur et qu'il savait très bien qu'elle ferait quelque chose de cette histoire. D'ailleurs, la preuve, ça a pris du temps, 25 ans. J'ai mis du temps, moi, plusieurs années avant de la convaincre de parler. Mais finalement, elle m'a raconté son secret, son histoire. Et j'ai pu écrire ce livre. Et c'est quand même un paradoxe insensé qu'au moment de cette élection présidentielle qui commence, cette campagne qui commence, on parle encore de François Mitterrand. Et je crois que c'est une ruse des forces de l'esprit. Oui, jolie formule. À ce propos, on va revenir à cette relation, mais vous vous souvenez qu'il avait dit, juste avant sa mort, ses proches l'avaient interrogé, alors comment ça va se passer, il avait dit « une messe est possible ». Débrouillez-vous avec ça, hein. Une messe est possible. Il y a toute l'ambiguïté de François Mitterrand qui, finalement, lorsqu'il nous parlait, nous les Français, il convoquait notre intelligence. Il nous obligeait à lire entre les lignes et donc à réfléchir. Et une messe est possible, c'est exactement ça. Il y avait toujours une ambiguïté. C'est d'ailleurs cette jeune Claire, ce dernier amour, disait très souvent qu'elle ne savait pas comment interpréter ce qu'il lui disait. Ça m'étonne pas. Il y avait c'était toujours un côté ou l'autre. Mais c'est intéressant, une messe est possible, parce qu'il était agnostique, Mitterrand, donc il ne se prononçait pas sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Mais pour autant, il était travaillé par la question de la finalité, par la spiritualité. On se souvient qu'il allait voir le philosophe catholique Jean Guiton en hélicoptère pour parler de la mort, de ce passage entre la vie et la mort qui le fascinait, vous l'avez rappelé. Et il était très, comment dire, il aimait les lieux de foi, la basilique de Vézelay notamment. Et il avait une fascination aussi, ça c'est assez bouleversant pour la jeune Thérèse de Lisieux, dont les reliques sont passées avenue Frédéric Leplay, là où il s'était retiré après l'Élysée. Et le président Mitterrand, très très malade, est descendu dans la rue pour toucher ces reliques de la sainte Thérèse de Lisieux, qui est chère au cœur des catholiques. Donc oui, il était très très habité par ces questions-là, et pour autant, il ne se prononçait pas sur l'existence de Dieu. Il était agnostique. Comment, alors je reviens à la relation maintenant, comment la jeune fille l'a-t-elle vécu cette relation? Alors j'imagine, c'est une richesse, ça n'a pas dû être facile non plus, qu'est-ce qu'elle vous a dit là, de ce point de vue? Bah, c'est une relation à multiples facettes. Elle était, enfin, il était à la fois le père, il l'éduquait, la conseillait, à la fois le Pygmalion, il la faisait lire de la littérature, des romans d'apprentissage, des romans d'amour. Voilà, il était son ami, son psy, et puis son amant, parce que il lui faisait des scènes de jalousie absolument épouvantable. Donc c'était une relation de à mille facettes, mais elle était totalement fascinée par lui, et pour rien au monde elle n'aurait renoncé à même aux 10 minutes ou à la demi-heure qu'il lui proposait à l'Élysée dans son bureau, alors qu'il signait des paraffeurs ou qu'il était en conversation téléphonique avec un interlocuteur. Elle était là, silencieuse, dans un coin du bureau, et ces minutes passées avec cet homme et ce président qu'elle admirait n'avaient pas de prix. Et pour lui, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était un moyen de très certainement de conjurer la mort et une forme de bain de jouvence. Et là encore, il y a un secret, c'est le dernier secret en plus, le titre. Il y avait des gens qui étaient, est-ce que vous savez s'il y avait quand même des personnes autour de Mitterrand, des personnes de grande confiance qui étaient au courant, ou est-ce que c'était vraiment secret, le secret du secret? Alors très peu, il avait 4 secrétaires et toutes n'étaient pas au courant, mais une au moins l'était, ça c'est certain. Les gardes du corps avaient bien compris, ils déposaient Mitterrand dans le quartier Saint-Germain où habitait cette jeune étudiante, sans savoir d'ailleurs, c'est incroyable, c'est-à-dire que Mitterrand ne disait pas à quel étage il montait. Et un jour, l'un des gardes du corps a essayé de se renseigner auprès de la gardienne et s'est fait morigéner par Mitterrand, qui l'a appris en lui disant il est hors de question que vous essayez de savoir où je suis, alors qu'il montait très très haut dans les étages pour... Donc, une petite poignée de conseillers, les gardes du corps. Danielle savait, elle avait compris, elle avait croisé plusieurs fois cette jeune fille. Et Anne Pajot. Et notre Anne Pajot, je ne sais pas. Je pense qu'elle le dit elle-même dans les entretiens qu'elle a donné à France Culture et à Jean-Noël Jeannet. Elle dit qu'il y avait d'autres femmes et que voilà. Mais en particulier celle-ci, je ne sais pas. D'accord. Je vous avais dit que le temps passait vite, on a eu le temps quand même de dire beaucoup de choses, et je vous remercie. Donc le dernier secret de votre livre, à lire, paru il y a quelques mois. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Quitter le pouvoir, François Mitterrand, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel.